Bonjour à toutes et à tous. Lundi matin, 10h du matin, il n'y a pas que la grâce de Dieu qui peut vous toucher le cœur par surprise. D'autres instants provoquent des révélations inattendues et vous mettent face à vous-même. Lire Blaise Pascal, par exemple, c'est accepter de se regarder bien en face, pour le meilleur et souvent pour le pire. Pascal, un prosateur de génie qui rabaisse l'homme à sa juste mesure, c'est-à-dire, dit-il, un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est une vérité qui fait mal à entendre, mais que nous allons affronter ensemble, main dans la main, cette semaine. Gérald, aide-nous, s'il te plaît. À la maison, on n'a plus Internet. Oh mon Dieu! On n'a plus rien. Aucune connexion. C'est rien. Tu peux te servir de notre Internet en attendant le réparateur. Merci, Gérald. Bon, j'y vais en premier. Kyle, il faut que j'aille sur le net. Je peux pas me connecter. Quoi? J'ai même débranché et rebranché la prise. Plus d'Internet. Et c'est partout. Seigneur, alors nous sommes seuls. Bonjour Pierre Guénantia. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est Merci. South Park et Gustave Mahler qui vous accompagnent en studio ce matin. Une panne d'internet et alors nous apparaissons pour ce que nous sommes, seuls au monde. C'est une expérience pascalienne, n'est-ce pas? Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent pas rester seuls dans une chambre et Pascal aurait ajouté aujourd'hui, mais sans internet. Hein. C'est exactement ça. Pascal a le don de décrire les expériences qui nous mettent face à nous-mêmes. Pourquoi est-ce si difficile de vivre sans internet? Aujourd'hui, c'est parce qu'il est difficile, nous dit Pascal, de vivre sans divertissement. Sans divertissement. Sans divertissement au pluriel et au singulier. Je crois que toute la profondeur de la pensée de Pascal sur ce chapitre célèbre vient justement du va-et-vient entre les divertissements et le divertissement. Pascal est crédité d'avoir justement fait des divertissements, des variables en quelque sorte du divertissement, qui est au fond une structure ontologique, on dirait philosophiquement, de l'homme, qui se diffracte d'une façon anthropologique ou mondaine par l'addiction au jeu, à la chasse, à Internet, au sport, aux fonctions royales, ou on dirait aujourd'hui jupitériennes. Voilà, au fond, tout ce qui constitue l'activité des hommes n'est jamais qu'une sorte de voile ou de façon d'échapper à la réflexion et à la conscience de sa condition. Donc autant de divertissements comme justement variable du divertissement, c'est-à-dire de cette nécessité pour l'homme justement de regarder en dehors de soi pour ne pas avoir à rester seul avec lui-même dans une chambre. Nécessité, vous l'avez dit, c'est très important de comprendre en quel sens le divertissement est nécessaire, surtout lorsqu'on entend des discours qui condamnent le divertissement. On va y revenir ensemble, Pierre Guénantia, mais d'abord, je vous présente et on va présenter Pascal qui n'est pas lu de tous. Vous êtes professeur à l'université de Dijon, vous êtes l'auteur de Divertissement pascalien qu'on trouve aux éditions Hermann et vous êtes un grand lecteur de Descartes et de Pascal. Vous avez un Pascal, disons, contrarié, ambigu, c'est le thème même de cette émission. Pour comprendre en quel sens Pascal apparaît contrarié, est-ce en opposition à Descartes qui lui au contraire apparaît clairement bien campé dans sa raison? Il faut commencer par là. Absolument. Il faut commencer par là parce que je crois que Pascal a commencé par là. C'est-à-dire par une réflexion approfondie et percutante sur la métaphysique cartésienne, dans laquelle il voit une très très grande chose, mais aussi une chose extrêmement dangereuse pour justement la religion chrétienne. Il voit au fond une philosophie qui s'émancipe, si ce n'est de Dieu, du moins du Christ, c'est-à-dire de la religion, et qui, au fond, donne un concept tout à fait philosophique ou métaphysique de Dieu, et non pas un concept, ou pas un concept d'ailleurs, une expérience incarnée, historique et charnelle, comme est celle de Pascal. Au fond, Dieu est sensible au cœur. Voilà ce que c'est que la foi selon Pascal, et non pas Dieu selon la raison, mais Dieu selon la foi. Dieu sensible au cœur, c'est ça le fait pascalien contre, d'une certaine manière, Dieu idée de l'infini chez Descartes et idée parfaitement claire et distincte. Au contraire, le sentiment de Dieu sous la forme du Christ, c'est un sentiment confus, comme tous les sentiments chez Pascal. Et confus, ça veut dire inanalysable. Par conséquent, je crois que la première chose qu'il faut dire concernant Pascal, c'est que toute son œuvre philosophique, en un sens, est une critique des notions de métaphysique de Descartes, et notamment justement des trois grandes notions, la notion de l'âme, la notion du corps et la notion de l'union de l'âme et du corps. Dans le fragment justement qui s'appelle « Disproportion de l'homme », Pascal finit en disant « Au fond, nous n'avons aucune idée de l'âme, nous ne savons pas ce que c'est qu'un corps, et nous ne savons pas ce que c'est que l'union de l'âme et du corps, et pourtant c'est ça que nous sommes. Et donc, nous sommes inintelligibles à nous-mêmes. » Voilà, ça c'est ce qu'il envoie, si vous voulez, de plein fouet, si je puis dire, c'est vraiment le scud pascalien, envoyé de plein fouet contre la métaphysique cartésienne. Parce que ce sont les trois notions primitives chez Descartes, l'âme, le corps et l'union de l'âme et du corps. Même si chacune d'elles n'est pas connue de la même façon, elles sont également connues. Et l'union de l'âme et du corps, chez Descartes, c'est quelque chose de parfaitement connu par l'homme. Et c'est là-dessus que porte le différent, le combat pascalien, c'est-à-dire il s'agit de montrer que cette union n'est pas une union en fait, c'est une contrariété. L'homme est fait de deux natures qui ne s'assemblent pas dans un seul être. Et donc, toutes les pensées de Pascal visent justement à repérer, comme un sismologue, à repérer en quelque sorte les secousses de ces contrariétés. Pascal est un herméneute, c'est-à-dire qu'il déchiffre les choses. C'est pas une lecture directe, c'est toujours une lecture interprétative. Donc, les secousses de cette contrariété. Qu'il s'agisse de la misère de l'homme, qu'il s'agisse de la grandeur, qu'il s'agisse du poids de l'imagination sur lui, qu'il s'agisse de l'activité politique, qu'il s'agisse de comprendre l'infini, mais aussi le fini. Au fond, Pascal s'arrange toujours, si vous voulez, pour montrer que, au fond, l'homme est incapable d'aller au bout d'une question fondamentale. Il ne peut que l'approcher et se reculer d'elle, parce que justement, il n'a pas les moyens de les pénétrer. Autrement dit, la raison n'a pas naturellement les moyens de comprendre ce que l'homme fait, aussi bien intellectuellement que socialement, on dirait aujourd'hui. Pourquoi alors a-t-il recours à cette même raison, quand il ne cesse de pointer l'insuffisance ? Très bonne question. Parce que je crois qu'il faut ici, si vous voulez, distinguer la raison au sens philosophique du terme, c'est-à-dire finalement comme cette puissance souveraine qui nous permet de juger de tout. De la raison pascalienne dont je dirais, si vous voulez, qu'elle est beaucoup plus réflexive que directe. C'est-à-dire que la raison chez Pascal, c'est le rapport de l'homme à lui-même qui le ramène à sa juste mesure, justement. Donc c'est pas une raison qui construit, c'est aussi une raison qui construit, mais c'est pas une raison qu'on peut admirer pour sa supériorité. Il faut l'admirer pour sa lucidité, mais pas pour sa supériorité. C'est pas la raison cartésienne qui va de l'avant. Encore moins la raison spinoziste ou la raison malbranchiste, au fond, ou Leibniz. En fait, de ce point de vue, il y a un courant parfaitement continu sur la raison. Et optimiste. Et optimiste. Rationnellement optimiste. Et optimiste. Donc, il y a un grand cas de la raison. Ça finit comme ça avec Leibniz, oui. Et optimiste, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de Pascal. Ah non, c'est pas le cas de Pascal. Non, c'est pas le cas de Pascal. C'est pas le cas de Pascal, mais je dirais pas pessimiste pour Pascal parce que, au fond, ce sont des termes qui ne conviennent pas à, comment dire, à la précision et à la singularité de sa pensée. Je crois que, même si évidemment l'idée que Pascal se fait de l'homme n'est pas forcément très belle, n'est pas ni très claire, mais son problème n'est pas tant ça que d'en avoir une notion juste. Et au fond, pour lui, une notion juste, c'est effectivement une notion dans laquelle sont enfermées des contrariétés dont il n'y a pas de solution. On va écouter un texte dans un instant parce que Pascal est aussi un prosateur hors magnifique, pair. Oui. Lire Pascal est une expérience vraiment pour le lecteur assez indescriptible. Mais excusez-moi de vous interrompre. Mais vous savez que les spécialistes que je suis pas de la langue française disent que c'est le premier écrivain moderne en langue française. Descartes écrit encore en latin. Quand on lit Descartes en français, on voit le latin derrière. C'est la structure grammaticale, syntaxique du latin. Plus du tout Pascal. Pascal est écrit en français et pense en français. Et Montaigne avant lui. Si je puis dire. Oui, mais qu'il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu, oui, mais Descartes aussi, il l'a beaucoup lu. Et il l'a beaucoup critiqué, souvent de façon injuste, parce qu'il lui reprend beaucoup de choses. Mais, Descartes à Montaigne ? Non, Pascal à Montaigne, oui. Pascal a beaucoup critiqué Montaigne en disant il ne sait pas de quoi il parle. Alors bien souvent doute. Il dit la même chose. Bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est pas forcément un auteur de grande bonne foi, Pascal. Hein, mais c'est bon, comme souvent des gens extrêmement intelligents et percutants. Il n'est pas toujours de très bonne foi. Mais pour en revenir à la langue, je crois qu'on ne peut pas lire Pascal sans être fasciné par la clarté, par l'immense simplicité justement de ses phrases qui donnent pourtant tant à penser. Cédons-lui la parole à travers la voix de Nicole Garcia. Voici le portrait de l'homme contrarié. Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté ? Quel monstre ? Quel chaos ? Quel sujet de contradiction ? Quel prodige ? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement ? La nature confond les Pyrrhoniens et la raison confond les dogmatiques. Que deviendrez-vous donc, ô homme, qui cherchez quelle est votre véritable condition par votre raison naturelle ? Vous ne pouvez fuir une de ces sectes, ni subsister dans aucune. Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme, et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Car enfin, si l'homme n'avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence, et de la vérité, et de la félicité, avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été que corrompu, il n'aurait aucune idée ni de la vérité, ni de la béatitude. Mais malheureux que nous sommes, et plus que s'il n'y avait point de grandeur dans notre condition. Nous avons une idée du bonheur et nous ne pouvons y arriver. Nous sentons une image de la vérité et ne possédons que le mensonge. Incapable d'ignorer absolument et de savoir certainement, tant il est manifeste que nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes malheureusement déchus. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h13, celui qui affirme que l'homme est une chimère, une nouveauté, un monstre, un chaos, un sujet de contradiction, un prodige, juge de toutes choses et imbécile, ver de terre, c'est le philosophe Blaise Pascal qui va nous accompagner, réjouissez-vous, toute cette semaine. Et aujourd'hui, c'est Pierre Guédancia, le philosophe Pierre Guédancia, qui est en studio avec moi pour en parler. Beaucoup de choses se trouvent dans ce texte, mais d'abord, pourquoi une telle dureté à l'égard de l'homme ? Pourquoi ce portrait aussi sévère ? C'est pas simplement contrarié. C'est sans pitié, c'est le moins qu'on puisse dire, mais oui. Implacable. Oui. Écoutez, il y a les deux aspects. Hein. Il y a effectivement des textes brutaux comme celui-là. Peut-être qu'il n'a pas été corrigé par Pascal, parce que vous savez, c'est toujours dans la hâte et dans le désordre que Pascal a composé ses pensées. Hein. C'est pas un texte vu, revu et travaillé. Sans doute qu'il aurait peut-être atténué les expressions. Bon, j'en sais rien. Il est fidèle à lui-même, en tout cas, ici. Mais il y a d'autres textes dans lesquels Pascal parle de façon, de la même manière, hein, quant au fond, mais quant à la forme, de manière plus respectueuse, si je puis dire, de l'homme, notamment dans les textes sur misère et grandeur, quand il dit « toute la dignité de l'homme consiste dans la pensée, l'homme est grand en ce qu'il se sait misérable ». Il y a tout un aspect sur, je ne dis pas un éloge de l'homme, on n'est pas là, mais malgré tout, l'homme prend une dimension avec Pascal qui n'avait pas prise tellement avant, comme une réalité spécifique, une réalité à part, un peu comme l'objet de ce qui s'appellera ultérieurement l'anthropologie. C'est pas encore l'homme, hein. Foucault a raison, l'épistémé classique ne connaît pas l'homme, mais ça y prépare. Alors, pour en revenir à la question, je crois que ce que critique Pascal ici à travers l'homme, c'est pas l'homme en général, c'est l'ambition philosophique de fonder sur l'homme le savoir, la vérité, le bonheur. C'est cette ambition là, c'est-à-dire de faire finalement de l'homme une idole qui se substitue à Dieu. et auquel on voue justement un culte, l'homme se vouant un culte à lui-même, se trouvant beau. C'est un peu l'homme de la Renaissance, hein, Pic de la Mirandole, la dignité de l'homme, c'est qui fait de l'homme une sorte de quasi-dieu sur Terre, hein, ou d'image de Dieu sur Terre. Non, chez Pascal, l'homme n'est plus du tout image de Dieu, ou c'est une image alors qui est complètement brouillée, hein, c'est un palimpseste, hein, et qu'il faut déchiffrer, parce que finalement, l'homme présente à la lecture beaucoup plus de contrariété, beaucoup plus de négativité que de positivité. C'est pas l'homme de Descartes, c'est pas la générosité, l'idée d'infini, la grandeur de l'âme, etc., etc. Pascal se moque de cela qui lui paraisse constituer une sorte de lubris philosophique, la démesure consistant justement à faire de l'homme un quasi-dieu ou une sorte de dieu sur terre ou de l'image de dieu sur terre. Donc, alors de ce point de vue, Pascal, au fond, contre-attaque, car c'est ça, Pascal, c'est un avocat, c'est un défenseur, c'est un lutteur, voire même un tueur, d'ailleurs, hein, sur le plan des idées ou sur le plan des concepts. Et donc, il envoie à l'homme, en s'aidant d'ailleurs de beaucoup de philosophes, dont Montaigne, hein, il envoie à l'homme des arguments, justement, contre, qui devraient, justement, le faire descendre de son piédestal et lui faire prendre conscience de la misère de son être. Donc je pense, comme c'est souvent le cas des fragments, pas tous, mais certains, que c'est stratégique. Qu'il ne faut pas prendre ça, si vous voulez, d'une façon directe et univoque, mais que c'est stratégique. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir contre qui parle Pascal. Il parle rarement d'une chose sans penser à ceux qui ont parlé de cette chose, et pour les contredire, et pour apporter autre chose que ce qu'ils ont dit. C'est la difficulté des pensées. Puisque vous l'avez dit, ce sont des textes parfois très courts, sous forme d'aphorismes, de fragments, parfois une seule phrase, qu'on a retrouvée sous forme de liasses. Ouais. Et les éditeurs, à travers les siècles, se sont disputés pour savoir mais quel ordre il fallait donner à ses pensées, lui-même n'en ayant donné aucune. Mm-hmm. Si bien que la lecture que l'on propose aujourd'hui de ces textes est parfois trop littérale. On extrait un fragment en disant voilà ce que bien Pascal affirme sur l'homme. Or, il faut toujours inscrire ce qu'il écrit dans une stratégie, vous l'avez dit. Ouais. Et surtout dans une histoire de la philosophie. Oui, il le dit lui-même, il dit philosopher ou vraiment philosopher, c'est se moquer de la philosophie. Il tourne le dos à la philosophie, mais lui-même propose une manière de penser, pour le dire dans le sens le plus large du terme, qui est nouvelle et qui est conceptuellement très surprenante et très puissante. Et très puissante, bien sûr. C'est pour ça que je n'approuve pas les philosophes, les professeurs, les historiens de la philosophie qui considèrent que Pascal est un penseur plus qu'un philosophe. C'est-à-dire, au fond, un philosophe de l'étage du dessous, quoi. Il n'a pas encore accéder. C'est ce qu'on dit de Montaigne aussi. Ouais. Oui, mais pas du tout. C'est parce que justement, il n'y a pas de système, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de traité. Mais voilà, mais il y a des pensées qui sont, à mon avis, plus fondamentales et plus incisives que beaucoup de pensées philosophiques enfermées dans les répertoires philosophiques et comme dans des textes sacrés. Hein, bah, beaucoup qui sont ennuyeuses, alors que Pascal n'est jamais. On ne s'ennuie jamais en lisant Pascal. C'est toujours une joie de l'esprit, même si cette joie, elle peut apparaître comme en demi-teinte, hein, parce qu'on en prend quand même plein la figure, si je puis m'exprimer ainsi. Mais on se sent moins seul, car lui seul, quasiment, met des mots sur une expérience que nous faisons tous. Bien sûr. C'est là sa lucidité associée d'extraordinaire. Et c'est en ce sens que c'est philosophique, parce que justement, il y a une conversion immédiate, justement, de ce qu'il dit de lui ou à partir de lui, en ce qui peut être dit de tout le monde. Mais pour en revenir aux pensées, on peut chercher, alors c'est pas mon travail, hein, on peut chercher à faire de l'ordre dans les pensées, il y a les papiers classés, il y a les papiers non classés, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, enfin, autant d'éditeurs, autant d'éditions, on s'en sort pas. Heureusement qu'il y a l'édition Prinkeps Brunswick. Mais ce que je voudrais dire, c'est simplement citer Pascal. J'écrirai ici mes pensées, non pas sans ordre, mais non pas sans dessein. EIN, hein, bien sûr. Sans ordre, ce qui veut dire qu'il n'est pas sûr du tout que Pascal ait songé à faire un traité systématique, une apologie de la religion chrétienne sous la forme d'un traité systématique. Il n'est pas sûr que Pascal n'ait pas voulu justement procéder par fragments, un peu comme Nietzsche, c'est-à-dire pour finalement déconstruire la fermeture du système sur lui-même ou la possibilité pour le système d'être complet. Et justement, Pascal, c'est un penseur de l'incomplétude, quasiment au sens logique du terme. C'est-à-dire, il s'agit toujours de trouer le sens de manière justement à pouvoir apercevoir ses lacunes et ne pas le renfermer sur lui-même. C'est l'inverse de l'idée claire et distincte, en un sens. Hein. C'est l'idée qu'il y a des trous. C'est l'idée qu'il faut... Et donc, de ce point de vue, moi, finalement, je ne suis pas surpris par le désordre des pensées. Et par leur unité fondamentale, je écrirai mes pensées sans ordre, mais non pas sans dessin, c'est-à-dire finalement qu'elles tendent toutes vers le même point qui est justement Dieu, qui est le centre effectivement nous y voilà. de la pensée pascalienne, évidemment. Il faut affronter ce et point, y en a pas d'autres. Pierre Guénantia, parce qu'il peut être problématique aujourd'hui pour un lecteur athée qui se dirait, mais que reste-t-il de Pascal si je n'ai pas la foi, si l'on ne croit pas en Dieu? Est-ce uniquement un projet qu'on appelle apologétique, c'est-à-dire qui vise à convaincre, même convertir les non-croyants au catholicisme? Il faut qu'on affronte ce problème-là, parce qu'il est réel. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on a entendu, au milieu du texte se trouvent ces deux mots, écoutez Dieu. Que vient faire Dieu dans cette analyse ? Ah, il vient faire beaucoup de choses. Il vient faire finalement la chose la plus importante, c'est-à-dire apporter la vérité, à condition qu'on veuille l'entendre. Parce que si on n'a pas la disposition du cœur, pas de l'esprit, du cœur, il y a les trois ordres chez Pascal. C'est très important cette distinction. On y reviendra peut-être, la chair, l'esprit et le cœur. Si on n'a pas cette disposition du cœur à écouter Dieu plutôt qu'à s'écouter soi-même, ou s'écouter parler, ou écouter les philosophes ou les doctrinaires de toutes sortes, les sectateurs, comme dit Pascal, eh bien, au fond, on peut être désorienté, mais on peut aussi être, assuré. C'est-à-dire que, se détournant de Dieu, on croit qu'on est à soi-même la source de sa raison, la source de la vérité, la source de son bonheur. On se prend pour une cause de soi, qui est la définition métaphysique nouvelle de Dieu. On croit que nous sommes cause de nous-mêmes, alors qu'au fond, nous ne sommes qu'un effet, et encore un effet qui n'est pas intelligible par lui-même. Il faut remonter par une démarche inductive, il faut remonter justement jusqu'à ce que Pascal appelle dans une IAS célèbre, la raison des effets. Et en ce sens, Dieu n'est pas simplement l'objet de l'apologie, celui qu'on prie, celui que... Donc, Dieu est, chez Pascal, une raison d'une certaine manière. Une raison en un sens supérieur à la raison. C'est-à-dire c'est la raison qui explique pourquoi l'homme fait ce qu'il fait. Si je puis faire un jeu de mots, c'est la raison qui explique la déraison des hommes. Voilà. La déraison des hommes, elle a une raison. Et cette raison, Dieu, ou la pensée de Dieu, mais à travers la religion, pas la pensée métaphysique de Dieu, peut nous la donner. Alors, est-ce que Pascal, ça tient sans Dieu? Oui, d'une certaine manière. Oui, à condition de penser que, finalement, chez lui, Dieu... ça n'est pas une certitude, comme ça l'est chez Descartes, comme ça l'est chez Spinoza, comme ça l'est chez Malebranche, chez tous ceux dont on a parlé, Leibniz. Ça n'est pas une certitude, Dieu. C'est, si je puis me permettre, c'est une hypothèse. Mais sans cette hypothèse, le monde devient opaque, inintelligible. L'homme devient incompréhensible. Et donc, en un sens, Dieu a une fonction quasi épistémologique chez Pascal. C'est-à-dire qu'il nous permet de connaître qui nous permet de connaître ce qu'on est et le rapport de nous-mêmes à Dieu, justement, que l'on n'est pas. Alors, quelle différence dans ce cas entre le Dieu de Pascal et le Dieu des philosophes? Il dit bien, mon Dieu, ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà, et non celui le Dieu des religion, philosophes et des savants. Oui. Bien sûr, c'est pas un concept, tout à fait. C'est pas Dieu sensible au cœur et non pas à la raison. C'est ça la foi chrétienne, sensible au cœur et non pas à la raison. C'est-à-dire que c'est un Dieu qu'on prie, ça n'est pas un Dieu dont on conçoit l'idée et à partir de laquelle on déduit des propriétés. Ouais, de l'idée d'infini, je déduis toute la science, etc. Pascal connaît tout ça. Mais voilà, au fond, son idée, c'est que ça n'a jamais convaincu un athée. De savoir que Dieu est tout puissant, qu'il est évidemment libre, qu'il est bon, qu'il prévoit tout, etc. Ça n'a jamais convaincu un athée. Or, ce que cherche Pascal, parce que c'est un homme pratique d'une certaine manière, c'est un homme de la pratique, ce qu'il cherche, c'est au fond à changer la vie. C'est pas simplement, si vous voulez, ameubler l'esprit, hein, et à se cultiver. C'est à changer notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à la vie, etc., etc. Et au fond, Dieu, c'est cet opérateur de changement, de modification. C'est aussi l'autre nom de l'incertitude, en vérité. Bien sûr. Puisque ne pas connaître Bien Dieu, sûr. Mais croire en lui, c'est Bien accepter sûr. qu'il y ait la place pour le doute. Oui. Et donc faire de l'incertitude Bien notre sûr. Moteur premier, et c'est ne pas très fort. Ce qu'il est. Et ne pas savoir ce qu'il est, et donc avancer comme dans les ténèbres. Mais voilà, soit on avance dans les ténèbres, et on a quand même le sentiment d'avancer, soit on reste dans la lumière, ou dans ce qu'on croit être la lumière, mais on fait du surplace, on tourne en rond si vous préférez. Voilà, on s'amuse avec les propriétés de l'homme, avec le monde humain, etc. etc. Mais en un sens, on ne progresse pas d'un pouce pour aller à la vérité fondamentale. Cette vérité fondamentale qui est justement le fait que l'homme n'est pas ce qu'il a été quand il a été créé par Dieu, que l'homme est déchu. Ça, c'est le premier mot de la pensée pascalienne, la déchéance de l'homme, sa corruption, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait que il porte encore des traces de sa grandeur d'autrefois quand il est sorti de Dieu, mais seulement des traces. Le reste, c'est recouvert par la corruption, c'est-à-dire finalement par l'attachement à des biens terrestres qui, pour Pascal, ne valent pas le coup, parce que c'est périssable. C'est une des choses aussi les plus importantes dans la pensée de Pascal, c'est le sentiment de la mort et de l'imminence de la mort. C'est comme si on était tous, d'ailleurs la phrase est de Pascal, c'est comme si on était tous condamnés à mort. Eh bien, au lieu de penser, si vous voulez, au moment de notre imminent de notre exécution, eh bien, on rigolerait, on jouerait aux cartes, on se baladerait, on fréquenterait des gens, on ferait la cour à bon, etc., etc. Vous voyez, hein, on vivrait comme on vit. Voilà. Sans penser, justement, que cette vie, d'une certaine manière, elle n'est pas la nôtre. Que cette vie, elle nous est même pas, c'est une poussière d'instant. Et qu'il faut penser justement à l'éternité, même si on n'habite pas à l'éternité. Mais au fond, c'est la seule chose valable. Voilà, mais pourquoi le faudrait-il ? On reviendra sur l'importance du divertissement, mais au fond, pourquoi ne pas vivre chaque jour comme si celui-ci allait continuer à l'infini ? Pourquoi prendre conscience de sa finitude ? On pourrait dire, voilà, pourquoi ne pas juste se vautrer dans une forme de divertissement ? Très bien. Mais Pascal répond dans le texte qu'on a entendu, avant même qu'on en vienne au divertissement, il dit « Mais nous sommes malheureux parce que nous avons une idée du bonheur et parce que nous avons une image de la vérité à laquelle nous n'arrivons jamais à coïncider. C'est parce que nous voulons être heureux que nous pensons ne jamais l'être. Et d'où nous vient cette idée du bonheur ? Eh bien, de Dieu lui-même. C'est comme ça notre grandeur d'autrefois. Voilà. Il reste, c'est comme, si vous voulez, quand on se réveille d'un rêve très, très, très confus et très obscur, il y a quelque chose qui nous reste dans la matinée de ce rêve. Une trace, une impression fugace. Voilà. Eh bien, c'est ça le bonheur. On a une idée du bonheur, mais que l'on n'arrive évidemment pas à remplir parce que nos moyens sont tellement insuffisants par rapport à la grandeur de cette idée. En un sens, nous sommes insuffisants à nous-mêmes, si je puis m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que nous ne parvenons pas à être à la hauteur de la grandeur de notre être. Et c'est ça le malheur de l'homme. C'est qu'il ne parvient pas à être homme dans le sens fort du terme, c'est-à-dire finalement dans le sens originaire du terme. Et donc, au fond, il passe son temps à s'échapper lui-même, d'où le divertissement. Et quoi de plus difficile en effet que d'être homme ou femme, hein, ici homme est à entendre oui, bien au sûr, sens c'est générique. Un terme générique bien sûr. Je vous propose qu'on entende un autre texte de Pascal, qui est un Pascal bien différent que celui que nous avons évoqué jusqu'à présent. Enfin bien différent, c'est le même évidemment. Mais dans ce que vous avez dit Pierre Guénantia, on pouvait ne pas entendre la dimension politique des pensées de Pascal. Or, Pascal est un penseur politique hors pair. Absolument. Il arrive là encore à mettre des mots sur des mécanismes qui sont à l'œuvre dans les discussions politiques, dans le rapport à la loi et aux gouvernants, qui sont absolument inouïs. Je vous propose d'écouter donc un extrait de La raison des effets, l'homme habile et l'homme demi-habile, lu par Nicole Garcia. Le monde juge bien des choses, car il est dans l'ignorance naturelle, qui est le vrai siège de l'homme. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle, où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes, qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre eux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Le peuple et les habiles composent le train du monde. Cela le méprise et sont méprisés. Il juge mal de toute chose et le monde en juge bien. Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les demi-habiles les méprisent, disant que la naissance n'est pas un avantage de la personne, mais du hasard. Les habiles les honorent, non par la pensée du peuple, mais par la pensée de derrière. Les dévots qui ont plus de zèle que de science les méprisent, malgré cette considération qui les fait honorer par les habiles, parce qu'ils en jugent par une nouvelle lumière que la piété leur donne. Mais les chrétiens parfaits les honorent par une autre lumière supérieure. Il faut avoir une pensée de derrière et juger de tout par là, en parlant cependant comme le peuple. Écoutez sur France Culture les chemins de la philosophie, cette distinction que le philosophe Blaise Pascal fait entre les habiles et les demi-habiles, car une fois que vous l'aurez en tête, vous penserez chaque mécanisme de pensée politique à travers ce prisme, Pierre Guénantia. Comment le dire rapidement, enfin simplement, le demi-habile est celui qui a bien compris que les choses étaient arbitraires, et les lois étaient arbitraires, le pouvoir est arbitraire, et s'en indigne. Oui. L'habile est celui qui a bien compris que les choses étaient arbitraires, mais plus sage que le demi-habile, sait en tirer son parti. On peut le dire comme ça ? Oui, très bien, on peut très bien le dire comme ça. Pardonnez-moi si je vais le dire plus vulgairement, mais le demi-habile, c'est celui qui s'y croit. C'est celui qui pense qu'il est plus malin que tout le monde. Et ça, de ce point de vue, on ne manque pas d'exemples autour de nous. Donc c'est celui qui prend une position de supériorité vis-à-vis de ce qu'il plaint, que ce soit des opprimés, que ce soit des ignorants, que ce soit des exclus, comme on dit aujourd'hui, etc., et qui parle à leur place et propose, d'une certaine manière, une solution à ce qu'ils croient être un problème facile à résoudre. Et donc, au fond, le demi-habile, c'est celui qui ne voit qu'une partie de la vérité, parce qu'il la voit. Il voit que les hommes sont faibles, sont misérables, sont pauvres, sont maltraités, etc., etc. Il voit la réalité de la chose politique. Mais il n'en comprend pas la raison. Non pas que Pascal justifie l'oppression, la misère et la pauvreté, mais il justifie, et ça je dois dire que plus je vais, plus je sens que cette pensée est profonde, il comprend, si vous voulez, que les solutions qu'on peut apporter ou qu'on veut apporter à ces problèmes-là risquent de provoquer encore plus de pauvreté, d'oppression et de misère que celles dont elles sont la solution. C'est-à-dire ? On en a vu des exemples. Mais écoutez, par exemple, vous dites on va libérer les hommes de la servitude, de la pauvreté, de l'oppression. Alors, je dis pas que on a vu ce que ça a donné. Non, on s'efforce de les libérer. Mais si vous voulez, le demi-habile, c'est celui qui a une pensée en un sens de l'efficacité de son pouvoir et de l'efficacité immédiate de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il a la solution à la chose, au lieu de penser que cette solution elle ne peut se faire que par bribes, que par à-coups, que par progrès insensible et non pas de manière directive et de manière brutale. C'est pour ça qu'au fond le demi-habile chez Pascal est de loin le moins estimable des trois classes d'hommes, le peuple, parce que lui, bon, il est bon enfant, on y croit ce qu'on lui dit, hein, et même s'il est mal, il pense que c'est normal d'être mal, voilà. Le demi-habile, dont on a fait un sort, à qui on a fait un sort, et les habiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par les habiles ? Sans doute, non pas forcément les philosophes. Les habiles, c'est ceux qui, et l'expression est magnifique et de grande portée, c'est celui qui pense par une pensée de derrière. Voilà. Ça, c'est un des grands centres des pensées de Pascal, c'est ce concept de pensée de derrière. Alors, d'abord, il faut dire, la pensée de derrière, c'est pas une arrière-pensée. C'est pas je parle avec une arrière-pensée, mais en ayant la pensée de ce que je veux dire et que je dis à travers autre chose que ce que je dis. Ça, c'est l'arrière-pensée. Mmh. C'est au fond une pensée, d'une certaine manière, frauduleuse. Une pensée qui cherche à obtenir quelque chose par un autre moyen. Une arrière-pensée, c'est... Une pensée de derrière, au fond, sa topologie l'indique, c'est une pensée qui passe pas par devant. C'est pas une pensée qu'on dit. C'est pas une pensée qu'on parle, si je puis dire. C'est pas une pensée qu'on expose. C'est une pensée qu'on garde pour soi. C'est un secret? Oui. Ou de l'inconscient? C'est tacite. Non, c'est mais pas on inconscient. Le sait. Voilà, ah, bien sûr qu'on le sait. Bien sûr. Et c'est même ça qui meut le reste. Mais c'est comme une intention, si vous voulez, qui dirige notre discours, mais sans, d'une certaine manière, se faire discours elle-même. C'est ce que Merleau-Ponty aurait appelé une pensée tacite. Et à laquelle il accorde la plus grande importance, justement, dans la conduite humaine. Tout ne se dit pas, voyez. Tout ne mais se pourquoi dit pas. Parce que, est-ce que c'est comme, à la manière de Léo Strauss, une sorte de mépris pour le peuple à qui il ne faut pas trop révéler les secrets de l'humanité de peur qu'il se rebelle? On peut le dire comme ça. Je serai plus magnanime envers Pascal. Je pense que c'est plutôt, de la part de Pascal, une sorte de désespoir historique. C'est-à-dire que Pascal ne pense pas, si vous voulez, que l'histoire, que l'homme peut changer à travers l'histoire, que l'homme peut s'apporter à lui-même une solution, parce qu'au fond, finalement, ce qui reviendrait à le faire Dieu. Ce qui reviendrait à penser qu'il a les moyens de se réformer lui-même, qu'il a les moyens de s'améliorer lui-même. Or, tout de Pascal vise justement à montrer que non, que c'est faux et qu'on tourne en rond, et que la seule solution, elle est en haut, si je puis dire, et elle n'est pas en l'homme. Donc voilà, je ne crois pas que ce soit du cynisme de la part de Pascal, même si ces expressions peuvent paraître cyniques du point de vue du rapport à la politique. C'est pas du cynisme, c'est beaucoup plus de la désillusion ou de la lucidité, comme on voudra dire. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au fond, ça peut pas changer. Les configurations changeront. On ne sera pas forcément toujours sous la royauté. On ne sera pas toujours forcément. Mais les rapports de pouvoir entre les hommes, ça c'est très foucauldien en un sens, les rapports de pouvoir entre les hommes possèdent une certaine inertie. Donc la Bible est à la fois celui qui est conservateur, mais oui. qui est conservateur et progressiste dans les idées, voilà, non parce qu'il y a une manière, il y a un savoir qu'il détient et qui lui permet d'avancer peut-être bien sûr, ou de changer. On a dit, et des gens plus autorisés que moi, on a dit, si vous voulez, que Pascal et le jansénisme en général, sur le plan politique, préparaient, sans l'avoir voulu, et même en ne l'ayant absolument pas voulu, la révolution. Parce que, au fond, ils démystifiaient les rapports de pouvoir. Ils démystifiaient la hiérarchie sociale et politique. Les hommes sont égaux pour Pascal. Ils sont les mêmes, qu'ils soient rois ou bateliers. Tous déchus. Et certains, au fond, se prennent justement pour des grands. Il faut relire ces magnifiques textes qu'est les trois discours sur la condition des grands. C'est un texte d'une grande portée politique. Ils font 2 pages chacun. Il y a 5 pages, ouais. mais c'est tout est dit, quoi. Hein. Ouais. La politique, chez ce point de vue, chez Pascal, c'est ça, quoi. C'est pas quelque chose à quoi il faut accorder du sérieux. Le demi-habile, lui, prend ça au sérieux. Mais l'habile, il prend pas ça. Il pense que c'est une comédie. C'est un hôpital de fous, dit Pascal, hein, quand Platon et Aristote ont écrit sur la politique, c'était pour se divertir. C'est comme pour régler un hôpital de fous. Voilà. Mais simplement, voilà, les fous auxquels on parle, ne croient pas qu'ils sont fous. Ils pensent qu'ils ne sont pas fous. De la même manière, si vous voulez, que, hein, c'est Lacan qui dit ça en pensant à Pascal, le fou c'est celui qui dit qu'il est roi alors qu'il l'est pas, mais il y a plus fou que ça. Il y a celui qui dit qu'il est roi alors qu'il l'est. On donnera pas des exemples, hein, mais je pense que chacun peut en trouver facilement autour de lui. Et on trouve chez Pascal cette importance de la dénonciation d'une forme d'apparence et d'apparat en général, hein, oui, notamment sur le pouvoir. Il y a des pages très très drôles, oui, très drôle. sur l'imagination, ouais. Et sur cet homme qui veut s'adresser à une assemblée, qui est une espèce d'imprécateur et qui, parce qu'il est mal rasé ce jour-là, n'est pas du tout pris au sérieux. Il est enroué. Il démonte en 3 lignes tout le pouvoir qu'un représentant politique se donne. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Pascal ne croit pas en la représentation politique? Ah oui, oui, oui. Il croit qu'il est respectueux de l'ordre social, mais il est respectueux de l'ordre social. Il adhère pas à l'ordre social. Il pense pas que c'est vrai. Il pense pas que c'est juste. Non, il le dit, hein, ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fut, bien, fort, fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Voilà. C'est la force qui précède la justice, dit-il. Voilà. Une sorte la loi du plus fort déguisée en, voilà, en justice. Une sorte de cynisme. On pourrait penser à Trasimac dans le dialogue dans la République de Platon. On pourrait penser à Nietzsche aussi, qui est dans la généalogie de la morale. C'est un type de lecture qui consiste à dire qu'une chose se déguise en son contraire pour se faire accepter. Voilà. Mais c'est au fond pour se faire accepter. Voilà, il faut chercher plus loin. Il faut chercher la raison des effets. Et c'est pour ça qu'il y a de grands effets qui sont produits par de petites causes. Et de grandes causes par des effets. Il n'y a pas une proportion très stable entre les effets et les causes. C'est ça que cherche à montrer Pascal. En ce sens, c'est une pensée qui s'éloigne un peu de l'âge classique, où il y a toujours une proportion entre la cause et l'effet. Là, c'est le terme pascalien qui revient très souvent et qui est très significatif, c'est disproportion. C'est disproportionné, en un sens. Et ce qui veut dire que les instruments habituels qu'on a pour penser la mesure ne marchent pas ici. Précisant que Pascal, et on y reviendra cette semaine évidemment, était un scientifique. C'est-à-dire, oui, que vous parlez de mesure, oui, bien sûr, oui, on le tient, et c'est vrai d'ailleurs, mais pour l'inventeur de la pascaline, la machine à calculer, c'est-à-dire qu'il il grandit d'abord dans l'univers des chiffres et des nombres, bien sûr, d'arriver à la C'est un grand mathématicien, tout jeune, hein, il invente, il découvre, il démontre par lui-même les propositions d'Euclide, il a fait à un âge extrêmement précoce, mais les mathématiciens sont souvent précoces, des choses fondamentales sur la géométrie, le calcul des parties, ce qu'on appellera ensuite le calcul des probabilités, la géométrie projective avec les sections coniques, le triangle arithmétique qui est presque on est presque au seuil du calcul intégral. Enfin, Jean-Pierre Clairon en parlera mieux. Voilà, donc il y a tout ça, bien sûr, mais il y a un moment où Pascal renvoie tout ça. C'est du divertissement d'une certaine manière. Faire des mathématiques, chercher à démontrer un théorème, c'est un divertissement. Et au fond, on a mieux à faire, quoi. Hein, bon. Que passer son temps, si vous voulez, à résoudre des problèmes dans lesquels, au fond, le sort de l'homme n'est pas en jeu. Alors venons-y au divertissement, puisque nous l'avons dit dès le début de l'émission, celui-ci conduit l'homme à oublier sa propre condition. En cela, il paraît complètement condamnable, hein, si on suit Pascal. Il faut savoir évaluer l'homme à sa juste mesure et donc ne pas se noyer dans des choses qui dépasseraient largement l'homme et lui faire oublier sa propre condition. Mais en même temps, nous dit Pascal, ce divertissement est nécessaire. Et dans le texte qu'on va entendre à présent, Pierre Guenantia, on y découvre ce que dit vraiment Pascal sur le divertissement, à savoir que peut-être qu'il fait oublier à l'homme sa propre condition, mais il est nécessaire, universel, et Pascal est bien loin de le condamner. Écoutez. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans les guerres, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achèterait une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville, et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne demeure chez soi avec plaisir. Mais quand je pensais de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une, bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, si l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant, accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et se divertit. Et oui, le divertissement est peut-être moins louable que l'activité philosophique, mais c'est pas pour cela qu'il faut le mépriser. Au contraire, sans divertissement, nous dit Pascal, l'homme est encore plus malheureux. Ce qui montre bien qu'il accorde de l'importance au bonheur, hein. C'est-à-dire que si l'homme peut être heureux en ce monde... Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est universel, dit-il. Y compris ceux qui vont jusqu'à se pendre. Simplement, Pascal croit en Dieu et souhaite montrer en quoi la vie divine ou la vie remise entre les mains de Dieu a quelque chose de supérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est contre le bonheur ici-bas. Non, bien sûr. Il faut bien le garder en tête. Bien sûr que non, il n'est pas contre le bonheur. Il est contre l'idée que le bonheur est à la portée de main de l'homme, soit par sa raison, soit par ses sens, soit par son imagination, soit par ses activités ou ses travaux. Voilà, c'est quelque chose après quoi on court, mais qu'on n'obtiendra jamais, parce qu'on ne l'obtiendra pas de la façon dont on cherche à obtenir les choses, c'est-à-dire durablement, voire éternellement. Ça, il y a une conscience, si vous voulez, du temps, comme ce qui nous fait reculer, pas qui nous fait avancer, qui nous fait reculer au sens où on revient au point zéro, qui est une conscience tragique chez Pascal. Le temps, c'est vraiment quelque chose de destructeur. Et c'est quelque chose dans quoi on n'habite pas, en fait. On cherche autre chose dans le temps que la simple succession temporelle. On cherche quelque chose qui dure. Et justement, ce quelque chose qui dure nous échappe. Et c'est pour ça qu'on se jette dans le divertissement. Parce que le divertissement, c'est une gestion du temps. C'est une manière justement de mettre le plus grand nombre de choses dans le plus petit temps possible, si je puis dire, de manière à ne jamais avoir le temps. Le temps de quoi ? Le temps, justement, pour un temps vide. Vous savez, comme qu'à certaines après-midi où il n'y a personne autour de soi, où la rue est déserte, où on n'entend rien, etc. Et tout d'un coup, c'est insupportable. 15 heures, un dimanche après-midi. Voilà, c'est le silence et le vide, en un sens, sont insupportables. Donc, on cherche à le meubler. On va faire quelque chose. On va courir, on va faire du vélo, on va travailler, on va faire de la philosophie. Hein ? Parce que celui qui fait de l'activité philosophique, il se divertit autant que celui qui va à la chasse. Ou celui qui occupe des fonctions importantes à la cour royale, car on a oublié de dire tout à l'heure, mais ce que vise Pascal à travers le cirque politique, c'est la cour quand même. Hein. C'est la cour, c'est les courtisans, c'est toute cette structure. Bon, on est au siècle de Louis XIV, hein, donc il y a de quoi dire là-dessus. Donc, mais voyez, et au fond. Celui qui fait des activités sérieuses, le géomètre, le philosophe, l'ingénieur qui construit des ponts, etc., d'une certaine manière, réussit plus dans le divertissement que celui qui va à la chasse et au jeu, qui sait qu'il se divertit, parce qu'il sait que c'est un jeu. Tandis que l'autre pense que c'est un travail, les autres pensent que c'est un travail et que c'est fondamental. Mais au fond, ce travail, qui a pour objet de construire des ponts ou de construire des théories, ce travail a pour raison, on a utilisé dans le texte qu'on a lu la différence entre cause et raison, il a pour raison la raison des effets, il a pour raison justement la nécessité pour l'homme de s'échapper à lui-même en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas rester justement en tête à tête avec lui-même, de ne pas supporter la vue ou la vision de sa condition de mortel, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, de condamné à mort. C'est le premier penseur de l'intranquillité. Oui, de l'intranquillité, de l'inquiétude, comme dira Locke, mais aussi peut-être quelque chose de plus fort, qui serait un peu de l'ordre de ce qu'on appellera la déréliction, c'est-à-dire le fait désespoir, d'être abandonné par Dieu. Voilà, oui, il y a tout ça. C'est pour ça qu'on a dit... non sans raison que c'est un peu le terreau de l'existentialisme Pascal, parce que Kierkegaard reprendra beaucoup de pensées à Pascal et Heidegger aussi, voilà, donc Sartre non, mais je crois que il en a pas besoin, c'est comme ça, c'est dans l'air quoi, c'est passé au niveau public si je puis dire, mais voilà, mais concevoir la vie entière comme un divertissement a quelque chose de très lourd à accepter, c'est-à-dire qu'elle est pas sérieuse quoi, voilà. Alors ça c'est d'un point de vue moral, mais ensuite ça veut dire que toutes les activités que nous faisons, même quand nous pensons être le plus productif ou créatif sont possible, des diversions, voilà, et qu'une manière de combler un vide absolu, de combler ce silence, hein, cet espace non meublé qu'est l'existence. Absolument. C'est un peu comme chez Freud, quoi, avec les refoulements et les déviations. Hein. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, au fond, on fait quelque chose pour échapper à autre chose, mais on ne le fait pas pour lui-même. Et si on ne voit pas cette... C'est ça, on ne fait jamais rien pour cette chose. Fait. Voilà, c'est ça. On fait... Et quand Montaigne dit « je me promène pour me promener », Pascal lui dit « ah non, ça ne va pas, ça ». Parce qu'on ne fait pas quelque chose pour cette chose. Il n'y a pas de... comment dire, de fermeture sur soi de l'activité. Elle n'est pas achevée. téléia, comme disait Aristote, l'activité achevée, qui est une activité heureuse parce qu'elle est achevée. Ça, Pascal veut justement le déconstruire. Et tout revient à ça. Critiquer la philosophie dans son ambition de trouver, d'une certaine manière, le bonheur ou la vérité ou la quiétude. Mais ne peut-on, dans le divertissement, dans la conscience que nous avons de nous divertir, trouver du plaisir à se divertir ? Auquel cas, nous, c'est une forme de réconciliation avec le temps présent. C'est-à-dire, je sais bien que j'écoute de la radio pour me divertir, oui. Mais écoutant la radio, je sais ce que je suis en train de faire et je peux y trouver du plaisir, bien par sûr, exemple. Bien sûr, qu'on y trouve du plaisir, bien sûr. Sinon, les gens ne feraient pas ça. Ils ne sueraient pas, comme il dit, toute la journée pour tirer sur un lièvre qu'ils pourraient obtenir de manière beaucoup plus facile et tranquille. Hein. Donc, il y a une gradation quand même dans le divertissement. Il y a une gradation, bien sûr. Mais encore une fois, à la limite... se divertit le plus celui qui pense pas se divertir, justement, en travaillant. Et le plus dans le divertissement, celui qui, justement, ne pense pas y être. Donc, il vaut mieux pas trop lire Pascal, alors, pour que le divertissement soit efficace. Oui, oui. Il faut... voilà. Mais bon, ça ne change rien à la vie. C'est ça, c'est ça qu'on peut trouver insatisfaisant chez Pascal. C'est que Pascal nous donne, c'est comme un médecin, si vous voulez, qui vous donnerait un diagnostic extrêmement sombre, et puis qui vous dirait, je suis désolé, mais j'ai pas de remède. Hein. Y a rien à faire. C'est comme ça. C'est votre être. C'est pas une situation ou une condition. C'est votre être. Et votre être, comme le chant de Jacques Higelin, c'est qu'un grain de poussière. Un grain de poussière, un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel. Un ange gardien du néant. Un grain de poussière infiniment petit ou grand. Et oui, Jacques Higelin, pascalien, le grain de poussière infiniment petit ou grand, c'est ce que décrit Pascal dans ses pensées qui nous accompagnent cette semaine. Un grand merci à vous, Pierre Guenancia, d'être venu nous en parler ce matin. Merci. Je renvoie à la lecture de votre ouvrage « Divertissement pascalien » au pluriel, aux éditions Hermann, et puis aussi, puisqu'on a parlé du Pascal politique, les « Méditations pascaliennes » de Bourdieu. Qui sont un excellent livre, qui fait le pendant aux « Méditations cartésiennes » de Husserl, hein, excusez du peu, hein, mais qui sont justement centrées sur la politique. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, les 10h53, l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre de Jean-Claude Michéa, paru chez Flammarion, dans la collection Climat, et qui s'intitule « Le loup dans la bergerie socialiste ». Le livre reprend une conférence prononcée à Nice, le 6 novembre 2015, dans le cadre du 42e congrès du Syndicat des avocats de France, conférence à laquelle le philosophe a ajouté des remarques additionnelles qui viennent ponctuer et augmenter le texte initial. Le ton est donné dès l'avant-propos. Je cite « Puisque je défendais dans cette conférence l'idée que c'est avant tout, à travers l'idéologie des droits de l'homme, telle, du moins, que les nouveaux philosophes l'ont remise au goût du jour à la fin des années 1970, sur fond de néolibéralisme triomphant, que le loup de Wall Street avait réussi à s'introduire dans la bergerie socialiste, il m'a semblé que le titre était tout trouvé. » Michéa ne mâche pas ses mots. La gauche moderne, depuis plus de 30 ans, fonctionne sur la seule rhétorique des droits de l'homme, autrement dit de la lutte contre les discriminations. Il explique que la raison de ce basculement est à chercher dans les années 1970, lorsque l'intelligentsia de gauche communiste a pris conscience de la nature liberticide des systèmes staliniens et maoïstes. Cette prise de conscience, que Michéa considère salutaire, a conduit les nouveaux philosophes à renouer avec le discours libéral des droits de l'homme. Le seul problème est qu'ils l'ont fait, selon ses propres mots, sans le moindre recul critique. Et c'est ce manque de recul critique qui a fini par convertir la gauche au dogme du libéralisme économique. De là, la crise d'identité qui la traverse. Pour comprendre cette conversion, Michéa n'hésite pas à revenir en arrière et évoquer la naissance de ce que l'on appelle la modernité. L'irruption de la modernité, selon lui, vient du traumatisme originel provoqué dans l'Europe du XVIe et XVIIe siècle par les guerres de religion, qui étaient des guerres civiles et qui ont désorganisé les solidarités traditionnelles les plus solides. Comme dit la célèbre formule de l'époque, le fils s'arme contre le père et le frère contre le frère. Pour sortir de l'impasse, les modernes ont fini par résoudre le problème en se fondant sur deux postulats essentiels qui ont fini par s'imposer comme des évidences. Premièrement, exit la vision aristotélicienne de l'homme comme animal politique, c'est-à-dire fait pour vivre en société. Au contraire, l'homme moderne est un loup. Il n'agit que pour sa survie et pour son propre intérêt privé. Il est fondamentalement individualiste. Exit donc l'idéal antique d'une société bonne. Il faut maintenant rechercher la moins mauvaise société possible. Deuxièmement, il est impossible aux hommes de s'accorder sur la moindre définition commune du bien. L'État doit donc être axiologiquement neutre et ne peut obéir qu'à deux types d'horlogerie sociale. Le marché d'une part, censé harmoniser les intérêts rivaux, le droit de l'autre, censé permettre l'équilibre toujours précaire entre les libertés concurrentes. Le résultat pour Michéa est sans appel. La révolution opérée par la modernité constitue la victoire du principe fondamental de toute politique libérale. Le gouvernement des hommes doit progressivement céder la place à l'administration des choses, ce qui emporte deux conséquences. Les décisions politiques doivent à présent reposer sur des critères purement techniques ou scientifiques, et l'ensemble des valeurs morales, philosophiques et religieuses doivent être cantonnées à la sphère privée. Voilà qui fait aujourd'hui consensus, à droite comme à gauche. La seule valeur théoriquement partagée par tous, c'est la liberté, dans son sens libéral, c'est-à-dire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Chez les libéraux classiques, Benjamin Constant, John Stuart Mill, la définition de ce qui ne nuit pas à autrui ne soulevait aucune difficulté particulière, puisqu'elle était guidée par un minimum de bon sens, de réflexion rationnelle, que Michéa attribue à l'héritage moral et philosophique que personne n'aurait encore, à cette époque, songé à déconstruire. Mais en avançant dans l'histoire, cette définition de ce qui ne nuit pas à autrui a fini par noyer progressivement toutes les valeurs qui paraissaient encore évidentes ou sacrées aux yeux de la génération précédente, empêchant de facto toutes les manières de vivre encore communes. C'est ce qu'Engels appelait l'atomisation du monde, cette désagrégation de l'humanité en monades dont chacune a un principe de vie particulier, a une fin particulière. C'est contre cette postmodernité à laquelle la gauche et le monde ont cédé que s'insurge, avec un certain génie, il faut le dire, Jean-Claude Michéa, dans son livre « Le loup dans la bergerie socialiste ». Merci beaucoup Anastasia Colosimo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marie Simon, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Sharon Houry, Anaïs Isbert. C'était Nicolas Berger à la réalisation, Jacques Hubert à la prise de son et Nicole Garcia à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Pascal. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Guillaume Coqui. Et avant d'évoquer le Pascal mathématicien puis le Pascal joyeux, ça ce sera mercredi puis jeudi, demain, nous reviendrons sur la question de la grâce. Comment parler à Dieu et quel rôle joue Dieu, même lorsqu'on n'y croit pas, dans notre existence. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, comme ça vous pouvez l'écouter où vous voulez, et quand vous voulez, à l'heure de votre choix, dans la compagnie de votre choix, en la compagnie de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, pour vous divertir et nous poser vos questions et nous écrire vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.